Jésus est venu pour nous montrer la nature des dieux. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Montre-nous le Père, nous voulons voir le Père. Montre-nous le chemin qui on mène auprès du Père. Montre-nous la voie qui on mène auprès du Père. Désir quelque chose de voir, ma seule consolation, découvre la foi en Jésus, affermis.